Oui, via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd jusqu'à 4 heures. Mais qu'est-ce que Critique de Crowd? Te diras-tu si c'est la première fois que tu écoutes l'émission? Ben oui, je critique la foule. C'est fort sympathique, je te le garantis. Et c'est surtout moi, c'est Jolaine Ruet, enchantée tout le monde. Et ben oui, je critique la foule, mais c'est bien aussi mon regard et mon expérience antécédente qui, oui, a un certain impact sur mon appréciation de la foule. Ça, c'est des grands mots pour dire que je vais te jaser de Future Islands cette semaine, puis que c'est pas la première fois que je les vois. Ah. Mais à vrai dire, c'est la première fois que je les vois en spectacle complet. Et auparavant, je les avais vus avec Oshiaga, puis sinon, c'était par des anecdotes de d'autres animateurs de la foule que j'avais découvert le groupe. Et oui, l'accumulation de tous ces petits détails-là vont avoir une influence sur mon appréciation du spectacle qui a eu lieu samedi dernier au Théâtre MTL. Ouais, Métropolis, je t'en rejoins, c'est aussi sa première fois que j'y allais depuis que c'est rénové. Alors, ben sur ce, ben oui, il y a plein de souvenirs, mais surtout plein de nouveautés et plein de questionnements sur Future Islands. Et, oh mon Dieu, j'ai déjà envie de m'emballer sur la voix du chanteur. Ça va crier par là durant l'émission, ça c'est assez certain. Et parlant de criage, quel lien! Ben oui, ça a été annoncé hier, EV Montréal sera de retour l'année prochaine et je trouve ça bien sympathique. Sur leur site internet, il y a un sondage et vous pouvez marquer les groupes que vous aimeriez voir à la prochaine édition. Hein? Voir ton groupe favori, ton groupe obscur là qui habite un pays lointain, c'est le moment de l'indiquer. Et bon, ben je vais pas si loin que ça. Je me suis dit quel groupe que je voudrais voir ou quel groupe que toujours pas passé au Québec et que j'ai eu l'occasion de voir en spectacle. J'avais en première idée de Rodeo Idiot Engine que je vous passe souvent à l'émission. J'aime beaucoup. Et sinon, ben écoute, il y a toujours son bon lot de metalcore durant EV Montréal avec la présence et à chaque année de Hatebreed. Ben oui, j'ai pensé à un groupe français qui fait dans le metalcore The Horse, dont l'acronyme veut dire The Alliance Right Respect Sect. Et c'est fort sympathique. Alors, on va écouter le groupe de cette bande de français The Horse. C'est un EP plus ou moins récemment sorti. On n'est pas dans... On n'est pas dans la rafraîchisseur musicale. Bon, ouais, je l'assume. Alors, c'est un excellent EP qui s'appelle Crépuscule. Sur leur EP Crépuscule, vous avez entendu The Horse avec la chanson À jamais et vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene. En ce spécial, oh oui, toutes les émissions de Critique de Crowd sont bien spéciales, j'aime bien ça dire que c'est spécial. Et c'est encore plus spécial quand c'est Future Islands parce que, mon Dieu, c'est drôle, là. Mais il me semble qu'on m'associe peut-être à des trucs comme « Ah ouais, le rock, le punk » et peut-être pas la synth-pop, et j'avoue que c'est peut-être pas le genre musical que j'écoute le plus, mais Future Islands, c'est un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression que je connais mal, pas assez. Est-ce que je me suis bien assez tapé leur discographie complète pour apprécier entièrement l'œuvre? Ah là là, ce sera... je sais pas comment être un bon ou un mauvais fan, hein, c'est la grande question. Mais sinon, c'est grâce à CISM que je connais Future Islands. Pour ceux qui les connaissent pas, le groupe existe depuis 2006. Oui, c'est un trio, sauf en spectacle. Ils sont quatuor avec un drum sur scène. Mais sinon, ouais, c'est un trio bass, synthétiseur et notre beau chanteur Sam Herring. Et oui, ça aura pris bien du temps qu'ils soient... connu du grand, grand public, là, appelons ça à l'international, avec cette fameuse vidéo virale, puisque quand ils ont été en performance au Late Show de David Letterman, le chanteur a conquis tout le monde. Ben oui, ses moves, la façon qu'il danse, ses genoux bien penchés, son air menaçant et à la fois charmant, et ben oui, ça a amené son bon lot de popularité. Et il avait été en spectacle en 2014, juste avant Chiaga. Et notre chère Marie-Ève Fortin, qui est ex-animatrice ou temporairement en pause. C'est toujours temporaire. Et c'est... elle est toujours de retour, puisqu'elle anime À vos disques et périls durant l'été. Avec Jean-Sébastien Sauvé. Et sinon, le restant de l'année, dépendamment les saisons, vous pouvez l'entendre à l'émission « Bruit la nuit ». Et Marie-Ève, à l'époque, m'avait fait une critique de Crowd sur Future Islands que je connaissais mal et très peu, pour dire pas ou à peine. Là, mon souvenir est flou. Mais je me souvenais exactement de sa critique qui était au Métropolis. Et le spectacle qui a eu lieu cette semaine était aussi au Métropolis. C'était ce sentiment de surprise de la foule, sans dire grand choc ou grand émoi, parce que la vidéo de Letterman montre dans toute sa grandeur les possibilités qu'offre le chanteur dans sa performance. Il est incontenable, il est varié, il est comme... Oh mon Dieu, je l'ai déjà posté sur le Facebook de Critique de Crowd. Allez l'écouter, je manque les mots pour pouvoir bien le décrire parce que je réserve mes mots pour ma critique de Crowd. Mais oui, il est surprenant parce qu'il a l'air de mon oncle avec sa chemise rentrée par en dedans et en même temps, il est le diable et la princesse à la fois. Il est merveilleux. Alors, question surprise, ben oui, il y en a dans la foule, même à l'époque en 2014. Et dans la foule, par contre, c'était relativement calme de ce que Marie-Ève m'avait raconté parce que, je crois que musicalement, ça porte pas à un très grand énervement. Il y avait aussi eu le fait que les hits avaient été mis pas mal à la fin du spectacle au lieu du début, quoique l'apparition de Win Butler avait animé la foule, mais c'était aussi au rappel. Chose qui avait été particulièrement jolie, c'était un body surf durant une tune un peu plus slow, Little Dreamer, et on avait l'impression que les gens qui body surfaient flottaient, était au ralenti. Et je vous le raconte parce que pour moi, ça a été déjà ma première impression du groupe avant même de les voir en spectacle, puisque l'année suivante, je les ai vus à Chiaga. Alors, je dis surprise parce que la façon qu'il est de le vivre en personne et pas juste le checker sur YouTube, c'est aussi un impact. Et c'est surprenant de se faire dire « Les gens crient parce que le chanteur crie. » Tu dis « OK. » Et il crie de façon gutturale. Tu dis « OK. » C'est quand même particulier parce que quand on écoute les album, des fois, je trouve qu'il y a une petite pointe, tu dis, ah ben ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, il pourrait un peu plus la peser grave, puis on le sentirait. Mais non, très peu d'indices de ce qu'il fait scéniquement. Et c'est un peu là la surprise, parce que si tu fais juste apprécier les albums, tu fais, wow, il se passe quelque chose dans le spectacle que t'aurais pas été averti, mis à part que ça ait fait, leur gros boom de popularité, la façon qu'ils chantent, la façon qu'il est sur scène, notre beau Samuel. Alors, Alors, surtout, oh mon Dieu, je dis surprise parce qu'il est surprenant. Écoute, au début, je me suis dit, si il growl, il doit avoir comme un antécédent de poêle, tu sais, écouter, ben pas juste écouter du métal, mais peut-être qu'il y a eu des bennes. J'ai pas de source ni pourquoi il gueule. Si vous le savez, cher auditeur, écrivez-moi. Vraiment, je cherche et je ne trouve pas de réponse. À part le fait qu'il gueule, le monde le font le constat, l'apprécie, il l'apprécie sincèrement, mais de là à savoir pourquoi... Mystère. Par contre, je dis qu'il est surprenant, le chanteur de Future Islands, parce qu'il est rappeur. Il rappe pas dans Future Islands, mais il growl. Ça me fait capoter. Dans une autre vie, plutôt dans une vie parallèle, il s'appelle Hemlock Ernst, et il y a un EP, puis il fait surtout des featuring, fait que si vous voulez l'écouter, ben allez-y, bien curieusement, sur les internets, je vous passerai pas d'extrait, parce que voilà, il y a peu de contenu, il y a juste lui sur la bande. Alors, surprenant, il est surprenant à point, il me fascine encore et toujours. Alors sur ça, ben écoute, si lui c'est un rappeur qui a une vie parallèle de crooner, ben on va écouter des rappeurs qui sont tout simplement rappeurs et on les apprécie ainsi. Monkey et Teddy the Bear. Oui, je sais, oh mon Dieu, cher auditeur de la marge, c'est ça, je passe tellement de rock, mais des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien plus entendre parler de la crowd de rappeurs, alors interviens, invite-moi à des shows, puis pendant ce temps-là, je passe ta musique, entre autres celle de Monkey et Teddy the Bear. C'est des chansons que j'aime beaucoup, beaucoup, et que j'écoute beaucoup, beaucoup dans mes temps libres. Alors, ça va être les 90 de Monkey et BDME de Teddy the Bear sur les ondes de la marge. Stade olympique à la tour Eiffel, la foule s'éveille. Mon crew dégaine du bout des lèvres pour toucher le ciel. Pour briser le goût des faibles, 90s back grimy track à l'image de ce que le Wu était. Lourd effet pour les vrais dudes, avoue que c'est fresh, t'es prêt. On t'aide à ride comme un cours équestre. Tu préfères casser tes torches sur le North Spit. Oh shit, c'est logique que votre clique nous déteste. Bouge tes fesses, écoute les textes, c'est nous les best. Notre mood est best, vous mourrez presque si vous vous détestez. On te sort de ton couche mort si tu snooze tes dead. Emballage sans contenu, donc on te trouve des chais. On a cru Ventec, on dénonce qu'on nous respecte. Fondation couche terrestre, au fond c'est nous les vrais. Tu sais qu'on est tous des chefs. Dans leur gueule à coups de marteau pour leur clouer le bec. We bring the 90s back. We bring the 90s back. We bring the 90s back. We bring the 90s back. But villain, God forbid, le workaholism du mad villain, l'alphabet nice bitten. Darcy Dice, be Scotty bicycle, freestyle written, super duper fly, live brethren. Yes sir, bien sûr, on va ride, listen, même nos small sessions, il te manque de oxygen. Rapper, pop out de mon pop, c'est cool, pop, c'est cool, devant mes profs, les cops, c'est cool. Donc tassez-vous, sans casser ce crew, leur nord, les flous, moutons du goudron, sans goût. Donc on va raser tout ras des goûts, qui croient les fous, le poids des foules sur toi s'écroule pendant qu'on crowdsurf, noyez-vous, t'es l'encrave, donc captain's crew, gotta love them fools too. On tape des coups pour casser tout. Du stade olympique à la tour Eiffel, la foule s'éveille. Mon coup dégaine du bout des lèvres pour toucher le ciel. Pop out de mon pop, c'est cool. C'est cool devant mes tropiques, c'est cool. Back to the old school. To the

t'es là pour le fun. T'sais, on dirait que le principe d'aller en festival, c'est qu'il y a un gros enrobage. T'sais, déjà, il y a différentes scènes. Tu te promènes, t'es dehors, tu bronzes. On lance des ballons de plage dans la crowd. Ah, je suis déguisée en lapin. Je rencontre d'autres gens habillés en mascotte. On se fait des amis. T'sais, il y a une atmosphère en soi qui a une incidence sur les spectacles puis comment on les apprécie. Et c'est ni négatif ni positif. C'est juste la véritable perception qu'on peut avoir des groupes. Surtout si c'est pas les têtes d'affiche. Je dis ça parce que je le sais, des fois, il peut y avoir des groupes que on peut pratiquement pas voir autrement qu'en tête d'affiche, soit le billet est super cher puis on est pauvre. Ou juste parce que, ben écoute, ils font pas une tournée à côté. Ils vont faire la tournée des festivals. Alors voilà l'occasion. Je pense à moi, cette année-là, c'était Florence and the Machine. Et oui, je suis contente de l'avoir vu parce que je pense pas avoir d'autres occasions de la revoir. À suivre, la vie est courte. Mais sinon... Ben ouais, c'est parce que, mon Dieu, être un festivalier, ça se remue, ça s'amuse, ça butine d'une place à l'autre. Et des fois, ça peut être excessivement festif. Et tu te demandes si c'est juste l'appréciation du groupe qui a cet effet-là sur la crowd. Ou ouais, la crowd est crinquée parce que, un, le spectacle est excellent. Et deux, parce que leurs fans sont vraiment... intense, parce que contrairement à la critique que je vous ai tout à l'heure contée de Future Island en 2014, ben écoute, à Chicago, il y avait du monde ben quand même énervé. Tu sais, ça s'énervouille, tu sais, c'est pas ça s'énerve pas, ça s'énervouille et ça trache pas, ça trachouille. Tu sais, on sent la modération quand même dans le mouvement, là. On n'est pas ni dans quelque chose de violent, ni de hyper exubérant. Reste que j'ai un grand souvenir de gens passionnés qui gueulent toutes les chansons. Et pas de gueuler comme Sam sait gueuler et growler ses chansons-là. Plutôt comme les crier à tue-tête parce que tu les connais et tu veux les partager avec lui. Peu importe la qualité musicale de ce cri. Mais ouais, beaucoup de passion. Tu sais, quelqu'un qui répétait sans cesse « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et j'espère qu'il l'a bien entendu sur scène au nombre de répétitions qu'il avait faites. Mais la personne la plus passionnée que j'ai vu, et là sincèrement là c'est vrai, c'était vraiment un fan, puis il était craqué parce que le gars il voulait pas juste danser tout son âme pour Future Islands, il est carrément monté sur une poubelle. Oui, on était en plein festival et vraiment à l'avant de la scène. Moi encore aujourd'hui je me demande pourquoi ils ont foutu une poubelle là. C'est un potent stratégique. Fait que vraiment là en avant de la crowd, il y a une poubelle, pas de couvercle, là on s'entend, et pas assez pleine pour que tu marches dans les vidanges. Fait que ouais, il décide de monter ses deux petits bords parce que c'est en plastique, c'est un peu mince. Fait qu'il monte sa poubelle pour danser face à face avec le chanteur. J'ai trouvé ça périlleux. Oui, acrobatique, alors j'apprécie beaucoup. Crowd, merci quand tu fais des folies ainsi. Mais ouais, c'était tout à fait passionné. Donner comme ça son amour debout sur une poubelle. J'ai adoré. Ça m'a confirmé que oui. C'est à suivre pour Future Islands et ses fans. Mais il y en a qui sont intense. Et surtout, poubelle, ben, ça me donne l'occasion de vous passer du guérilla poubelle certain. Ben ouais, toute première chanson de leur album, Il faut repeindre le monde en noir. Vous écoutez ça drette là sur les ondes de La Marge. Venir demain est embrassé. passer des sons qui m'ont cassé pour en finir. Après Guérilla Poubelle, vous avez entendu Justine avec la chanson Régulièrement Popcorn qui se retrouve sur une compilation de leurs chansons rares puisque ça s'appelle Rareté, Reprise et Haute et Ginia. Ben oui, c'est aussi sur Guérilla Asso. Allez voir leur Bandcamp. Beaucoup de compilations annuelles, beaucoup d'albums et beaucoup de groupes tout à fait excellents. Sur ce, hey, c'est Critique de Crowd. Plein de critiques, plein de crowd, plein de Future Island, plein de cris, beaucoup de cris après les publicités. À tout de suite. Cette semaine, dans votre quartier libre, découvrez le fonctionnement des fraternités et sororités de l'UdeM. Informez-vous sur le débat concernant la fin de l'écriture manuscrite dans les universités et explorez en images la collection d'art public du CHUM. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier Libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Le retour de Félix. En spectacle le 13 octobre au MTLUS. Avec invités spéciaux, Lomo. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du MTLUS sur evenco.ca. Groupe exceptionnel. Ne manquez pas Phoenix et Lomu le 13 octobre. Présenté par Greenland et Evenco. Deadmau5, la tournée Lots of Shows in a Row Part 2. Un soir seulement, avec invité spécial Calm Truth. Le vendredi 13 octobre au Centre Bell. Billets en vente maintenant. Visitez evenco.ca. Ne manquez pas cette occasion unique de voir Deadmau5. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vidéotron, en partenariat avec le Beach Club, vous présente Halloween Theater à l'Olympia le 27 octobre avec les DJ Breeze Carolina, Paris and Simo, Tizzy, Clean Cut, Ludo. 5 000 $ de prix à gagner, dont un voyage pour les meilleurs costumes. Ne manquez pas cet événement le 27 octobre à l'Olympia. Pour plus d'infos et achats de billets, visitez beachclub.com. C'est la rentrée au théâtre aux Écuries. Abonnez-vous à 3 spectacles ou plus et bénéficiez d'un tarif préférentiel de 15 $ le billet. Achat au www.auxecuries.com ou au 514-328-7437. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous invite du 4 au 15 octobre 2017 à un rendez-vous qui, plus que jamais, donnera toute la place à l'innovation. Découvrez plus de 350 films, des installations en réalité virtuelle et des expériences interactives québécoises, canadiennes et internationales. Prenez part à des 5 à 7, des conférences et des rencontres et rejoignez-nous tous les soirs à notre quartier général lors de nos événements gratuits. www.nouveaucinema.ca. Le retour de I Prevail en spectacle 17 octobre au MTLUS. Avec invité spécial We Came As Romans, The World Alive et Escape the Fate. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du MTLUS ou sur eventco.ca. Ne manquez pas I Prevail le 17 octobre. Présenté par Greenland et Eventco. Vous écoutez CISM 89.3 FM. D'entendre le Kraken et la chanson Halt qui se retrouve sur leur album Exalt. La joueront-ils en spectacle ce soir? C'est à suivre. Y aura-t-il du nouveau stock? Ah, et c'est pour de vrai, si vous y allez, là, ramenez-moi votre critique de crowd, cher auditeur. Ben oui, le Kraken en show à la Vitrola avec You Do Right et The Eyes of Time. Sinon, écoute, plein d'affaires qui se passent parce que, ben oui, t'écoutes critique de crowd. Et ben oui, toujours plein de suggestions de spectacles parce que c'est bien beau entendre des critiques de crowd. C'est encore plus le fun d'être dedans. Oui, être dans la critique de Crowd. Quand tu me dis que t'es dans ma critique, ça me fait beaucoup sourire, chers auditeurs. Et sinon, ben, je te suggère ce soir d'aller voir Bat Sabbath. C'est au Catacombe. Ça fit très bien ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Vendredi, Stick to Your Guns, que j'avais vu dans, oh mon Dieu, à l'église à Verdun. Quelle atmosphère. Cette fois-ci, ce sera un peu plus conventionnel pour la salle puisque c'est au Club Soda. Mais il y aura toujours, ah, oh, la scène est haute, mais je pense qu'il y a bien des possibilités de stage diving avec plus de facilité que dans d'autres salles. Amusez-vous tous bien. Au Atomic Café, dans mon cher Hochelaga-Maisonneuve, il y a Reine de France. Et je crois que c'est leur première avec leur nouveau drummer. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Et finalement, c'était plus Indie Rock. Va voir Tops au National. Samedi, Drop Dead Bass! Ben oui, une soirée expérimentielle dubstep, encore une fois au Club Soda. Sinon, The Pack AD vont être au Turbo House. Dimanche, oi oi oi, c'est clair que t'as déjà ton billet parce que je pense la genre sont pratiquement toutes vendues. Dépêche-toi si tu veux voir Propagandi avec Aaron Schick. Ça se passe encore au Club Soda qui est bien populaire, mon Dieu, ces jours-ci. Mélanie Venditti fait un lancement d'album et il y aura en même temps un souper spaghetti, combo de feu. Fait que ça se passe au Quai des Brumes. Lundi, non, tu vois, mauvaise gestion d'émotion. Oh mon Dieu, je suis encore en hésitation d'y aller parce que je suis pas libre, mais je vais m'arranger peut-être pour potentiellement beaucoup me libérer puisque The Black Dahlia Murder seront en spectacle avec Suffocation, Exhumed, Decrypt, Bird, Necrot et Rome Witch. Ça se passe au Foufoune électrique. Sinon, ben, Queer Punk sera tout à fait à l'honneur à l'ESCO puisque c'est Partner qui sera en spectacle et qui est aussi dans le palmarès anglo de CISM. Mardi, I Prevail avec We Came As Romans. Ça se passe. Ah, il y a aussi Escape the Fate dans la même soirée au MTLUS. Et sinon, hey, dans un autre ordre d'idée pour ton mardi, il y a Philippe B à la 5e salle. Finalement, mercredi, DIOA va jouer au Petit Campus. Et sinon, ben, autre lancement d'album, cette fois-ci pour Thierry Bruyère au Vert Bouteille. Hey, je t'ai mentionné I Prevail puis ça passait dans le beurre, mais. Je te le répète, I Prevail, j'ai des billets pour toi, cher auditeur de la marge. Fait que si tu veux y assister le 17 octobre prochain, tu appelles au 514-343-2476. Boum! Tu gagnes des billets. Puis appelle, ça se peut que je sois vraiment généreuse. Sur ce, ben écoute, on va écouter les chansons du palmarès franco avec une nouvelle arrivée, Bleu Nuit, avec Corridor. corridor sur les ondes de CISM et vous avez aussi entendu Bleu Nuit. Pour toutes les autres chansons, ben écoute, tu vas sur le site de CISM, cism893.ca. Puis voilà, panoplie de musique et d'émissions à écouter et réécouter. Et sinon, ben t'écoutes toujours Critique de Crowd. En ce spécial, tout à fait spécial, ah, Future Island. C'est spécial parce que le chanteur est spécial. Il est unique, il est magique. Tu vois, je suis en pamoison, je suis en amour avec dans le fond. Ah! Mais chaque chose en son temps, parce qu'il y a une première partie, puis on rentre dans la salle avant ça, vous allez me dire, Jolène, ben oui, effectivement. Effectivement, c'était une entrée... tout à fait normal. On dirait que je ne sais plus comment le présenter. Mais on en parlait beaucoup de MTLUS, Metropolis. Ben oui, c'est sûr que ça aurait pu être plus subtil, hein, quand on rachète quelque chose, puis puis en mettre le nom de sa compagnie. Passons, tu vois, ça me fait pas parler, ça me fait grincer des dents, puis c'est pas très radiophoniquement intéressant. Mais c'est sûr que c'était inévitable de voir la différence. Au début, parce qu'on rentre et la bannière est changée. Je me sentais éblouie. C'était pas éblouie de ravissement. Là, quoi, tu peux l'être si tu tripes ces lampes LED, là. Mais ouais, c'est parce que c'était hyper illuminé auparavant. Non, mais c'est vrai, je veux dire, avant, la bannière était pas si, aussi flash, là. Elle était plutôt conventionnelle, ouais, un peu old school. Tandis que là, mille et une lumières blanches illuminaient le MTLUS et le Future Island bien en blanc et noir. Sinon, c'est aussi en entrant, dans le Metropolis qu'on voyait la différence. Nouveau tapis. Bon, ouais, pourquoi pas. Et sinon, nouvelle billetterie. Avant, elle prenait beaucoup de place et j'ai l'impression qu'avec les achats de billets sur Internet, c'est peut-être un peu moins nécessaire que ça prenne autant de place. Et aussi, il y avait une espèce de deuxième porte, là, peu utilisée du Metropolis. Fait que je pense qu'ils ont juste défoncé le mur puis ils ont mis la billetterie plus loin. Mais par contre, j'ai remarqué à côté... la billetterie, justement. Mais il y avait un bar qui était complètement vitré. C'était comme un bar aquarium, puis il y avait juste deux personnes à l'intérieur. Là, je me suis dit, soit il est select, soit personne ne trouve le chemin pour aller à ce bar-là, soit personne ne veut s'asseoir sur les petits tabourets et veulent avoir une bonne place pour Future Islands ou être dans la salle au lieu d'être dans la tente. À part ça, pour de vrai, c'est le bon vieux Metropolis d'avant. Même staff, même vieux tapis, parce qu'il y a le nouveau tapis, puis après ça, tu rentres dans la salle, vieux tapis. Mais, on dirait que mon premier réflexe, c'était de me dire, ah ouais, du tapis, on est au Québec, l'hiver, ce sera pas pratique. Mais après ça, j'ai réalisé qu'il y avait du vieux tapis, fait que j'étais comme, bon, OK, là, finalement, ça doit se passer à l'année longue, et ça reste propre. Tant mieux, bravo. Alors, après ça, je veux dire, après qu'il y ait, un espèce de gros spot avec le logo MTLUS, j'ai pas vu de différence dans la salle, ni positive ni négative, là, juste il n'y a pas eu des rénovations, ils ont eu lieu plus en avant, vraiment. Fait que voilà, ce serait grosse critique de Crown, hein, sur les changements du Metropolis. Mais tu sais, si ça avait affecté le positionnement de la foule, s'il y avait eu différents endroits où se placer pour, surélever, mieux voir. Je crois que c'est mieux accommodé pour les personnes à mobilité réduite, parce que ouais, avant, c'était un peu le conquis avec les petits escaliers, mais bon. Autrement, je vous le dis, peu de changements. Et autre constat pour tous ceux qui écoutent l'émission, puis je dis tout le temps que j'arrive en retard. Ben oui, je suis arrivée à l'avance pour voir Jenny Bezets, qui est un groupe de la Caroline du Nord. J'étais à l'avance pour profiter entièrement de moi soirée. Puis c'est tellement tough de faire une critique de crowd d'une première partie. Je veux dire, je suis arrivée, puis je me disais, oh, il y a pas beaucoup de monde à la messe. Fait que... Oui, j'ai sorti mes vieilles expressions québécoises. Fait que non, là, je veux dire, le parterre est à moitié rempli, mais j'ai constaté que tout le balcon était plein déjà. Et ça m'a fait réaliser à quel point le confort fessier et la ponctualité, ça allait de pair. Et que ça faisait un très mauvais jeu de mots. Et autrement, en bas, ce serait vraiment difficile de ma part de dire qu'il se passait rien. C'est pas vrai. Il y avait de la danse. Il y en avait même un, je trouvais qu'il dansait comme, tu sais, avec une certaine élasticité dans son corps. Il ondulait un peu comme du bacon, mais tu sais pas, il grésillait pas là. C'était début de cuisson, mettons. Ça danse et surtout, je pense, j'avais un petit doute. Mais ça danse et ça French. Je dis que j'avais un doute, là, mais je trouve que Future Islands, c'est un bon band de couple. Tu sais, je sais pas, ça se coûte bien à deux. les paroles, je sais pas, l'attraction, il est sensuel, Sam, fait que ça, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et oui, dans la crowd, ben, ça french, ça s'aime, ça danse en couple, et j'en fais quand même le constat. Moi, je me suis dit, je suis contente que je vois Future Islands en plein automne, pis pas genre un 14 février. Je pense que, ça changera encore plus l'ambiance, pis tu pourrais te dire, je suis toute seule à soir, pis je suis un peu triste. Alors, voilà, une crowd qui s'aime, qui écoute le groupe, et même si... ouais, c'est relativement tranquille là. C'est drôle, je trouve que le chanteur de Jenny Bezette, il était il aime un peu voix Joy Division, mais dream pop là, tu sais, c'est tranquille. Mais il y a eu une chanson juste en nommant le titre, on a entendu des cris, fait que je me dis oui, il y avait des gens qui étaient fans ou qui étaient véritablement là, pas juste pour Future Island et pas juste en train d'attendre. Et il y avait du monde qui était aussi déjà crinqué. Je suis pas une gang. Ouais, ils sont tous en couple. Mais une gang quand même. Je suis pas qu'une gang qui sont... je trouve qu'ils sont excités comme un show rock. Parce que oui, étant donné que c'est synth-pop, je pense qu'on peut se permettre une petite distinction entre les deux. Mais ouais, je les aurais vus avec des mouvements de bras en l'air, comme s'ils allaient voir un gros show rock. Yeah! Ça m'a surprise. Je me suis dit, Yeah boy, si on a la première partie, ça va être beau à voir tout à l'heure. Effectivement, ça va être à suivre. Mais observons cette crowd de plus près. Après avoir entendu, mon Dieu, oui, c'est ça, j'ai cherché un peu dans les mêmes eaux que Future Islands. Et je vous diffuse, ça me fait bien plaisir, Pépite et Rosie Vallant. J'en ai vu des nuages passer. J'en ai vu des liquides enflammés. Je me suis tant approché, mais je n'ai jamais pu vraiment oublier. mettre dans l'ambiance, Synthpop. Vous avez entendu Sensation de Pépite qui se retrouve sur l'album Renaissance. Et vous avez aussi entendu Synchro de Rosie Vallant sur Synchro. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. En cet entracte de Future Islands, oui, j'appréhendais ma rencontre avec la foule de Future Islands parce que, peut-être parce que musicalement, on n'écoute pas les mêmes affaires. Je sais pas. Pourquoi j'avais ce feeling-là? Peut-être parce que je t'avais connu que dans un cadre de festival, là où il y a la folie, l'été, les coups de soleil, c'est pas le même game que dans une salle dans l'obscurité où il y a un seul et unique artiste qu'on attend, ou presque avec la première partie. Oui. Mais sinon, crowd varie. C'est sûr que pour les corps types, je crois qu'il y a juste quelques petites exceptions de petite jeunesse et de grand-mère qui vont fucker la moyenne. Mais autrement, peut-être plus mi-trentaine, comme je vous ai dit, beaucoup du couple de sortie d'amis et... Oh, une double sortie mère-fille, ça c'est cute. Déjà, faut être comme est-ce que les deux mères sont amies ou c'est les deux jeunes qui sont amies ou genre tout ça va ensemble. C'était adorable en soi. Et sinon, j'essayais de, oui, quand je vais voir des shows, tu sais, c'est vrai que je check ton t-shirt crowd parce que je me demande qu'est-ce que t'écoutes. Puis cette fois-ci, c'était un peu concluant, mais je t'observais et je trouvais que ça en donnait tellement une belle fresque au-delà d'une fresque textile, ouais, mais non, je sais pas, c'était beau la sacoche avec une chaîne, tu sais, les petites chaînes en or, une jupe longue, les tatous qui dépassent. Ah! Il y avait un gars avec un t-shirt qui ressemblait à un t-shirt Ico. J'étais, ah! Les dessous de rappeur de Sam, tout s'explique. Chemise courte, chemise longue, tu sais, les t-shirts que tu roules la manche. Ah, peut-être un peu hipster. Ah, des chemises carottées rayées. La barbe. Ah, elle est rasée tout à fait à point, 3 jours, 1 mois, 10 ans. Elle était variée, tout comme les cheveux. Ah, tout assumé dans sa calvitie. Il y avait une coupe de calotte, puis je me disais, peut-être que c'est pour cacher de la calvitie. Mais non. Avec le chanteur de Future Islands, tu le sais que tu peux l'assumer, parce que lui, il apporte si bien. Du veston, et même un petit mouchoir dans la poche du veston. Les gens, il y en avait qui avaient de la classe. Je dis, il y en a certains. Mais d'autres, t'as un t-shirt de Green Day, t-shirt de Batman, et des t-shirts assez uniques, là. C'était pas un cliché logo de Batman. Non. Des pièces de collection, t-shirt des Pixies, petit rebelle avec tes petits stretchs, mini là, ben ouais, avec tes bretelles, un petit foulard qui fait Kangol ou rockabilly, je pense. Velours. Je vous le dis, c'était la variété. Il y avait même la madame qui sentait le parfum. C'est une madame qui sent le parfum parce que c'est un parfum de femme qui s'assume. Là, il sent le heurt. Parce qu'il sent parce qu'il fait avec sa sacoche en cuir rouge. Une crowd variée et belle. Oui, je trouvais belle. Et je regardais les t-shirts à vendre. Ben oui, kiosque. Ah, kiosque à t-shirt. Et il y en avait un qui ressortait assez merci parmi les autres de Future Islands. C'était un t-shirt vert fluo avec un skater dessus. Puis, ah ouais, je pense que le skater était-tu un peu bodonnant, là? En tout cas, l'image était, oui, rigolote, mais peut-être que je l'aurais vu comme pour un t-shirt de band punk plus que pour Future Islands. Puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que c'est exactement l'espèce de... Certains en voient comme l'habit ne fait pas le moine. Tu sais, le gars, le chanteur, il est hyper sensuel, fait des moves pas possibles. Il chante guttural et en même temps, des fois, il est ému. Il a l'air frêle. On a envie de le serrer dans nos bras puis le consoler. Il est surprenant. Et ce t-shirt-là était tout aussi surprenant que le groupe. Parce que oui, justement, je faisais une association esthétique, symbolique, si on veut, avec le vert fluo, le skater, tandis que c'est, j'ai envie de dire, diamétralement opposé à Future Islands. Je vois pas le skate punk proche. Puis, oui, je trouve que c'est intéressant de jouer sur cette ligne-là entre l'image qu'on diffuse, le fond et la forme, entre nos perceptions sociales ou simplement le bon plaisir de mettre un dessin qu'on aime sur un t-shirt pour que ça fasse beau, à couleur qu'on veut. Alors, voilà, c'était cette fresque de crowd à l'entracte de Future Islands. Ils arrivent, mais il y en avait qui étaient bien en train de s'approvisionner au bord. Je dis approvisionner parce que c'est rare que je vois des gens commander une bouteille de vin complète durant un show et de rester au parterre. Faut quand même que tu la tiennes, ta bouteille. Compliqué. Ouais, il y en a...

laisse des cernes sous les veilleuses. Il ne rend pas plus beau. Il te met en mode crescendo. Oh, et si Dionysos aimait bien prendre une bonne brosse, il en va de même pour l'ivrogne. Dansez-vous si la soif y le vin rend les lèvres Sur leur dernier album, Buvez toujours, ne mourrez jamais, vous avez entendu le vin, Horlogimort. Et oui, toujours critique de Crowd. Et Future Islands, ben oui, qui finit bien par arriver au MTLUS Metropolis. Dans une crowd bien crowdée, même que j'avais un peu de difficulté à me déplacer dans la foule. Fallait choisir son spot et le garder. Et ouais, un début assez tranquille. Ils arrivent sur scène, ils sont comme « Bienvenue, on est Future Islands, puis on va jouer de la musique. On est bien heureux que vous soyez parmi nous. » C'est très mollo. Et juste pour vous placer, Sam, il va être tout le temps à l'avant-scène, tandis que les musiciens sont complètement dans le fond de la scène. Sont par rapport, ils sont pratiquement oubliés. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils font leur musique, puis c'est tout. Je sais pas c'est à quel point pour mettre en valeur le chanteur, ou juste parce qu'il prend beaucoup de place, ou c'est de même que tout le monde est à l'aise, mais je trouve que c'est comme très, très flagrant comment ils sont loin. Peut-être aussi parce que la première partie, le drum, il était super proche, fait que ça donnait encore plus l'impression de profondeur de la scène. Et sinon, ben écoute, justement... Dès le début, et surtout au début même, Summering, il va beaucoup pointer les gens. Il a toujours son regard ténébreux. Il est toujours aussi théâtral, comme je vous ai mentionné en début d'émission. Ce n'est plus une surprise. Quand on va les voir, on s'y attend. Et il va être de cette performance du début à la fin. Ah mon Dieu. Pour de vrai, il doit être épuisé parce que le spectacle était long. Là. Je veux dire, je vois quoi, une heure et quart au moins. Le rappel aussi était long. Et c'est tout en variété. Mais oui, le fait qu'il y ait un regard intense. Des fois, j'ai l'impression qu'il veut nous dévorer. Puis après ça, il nous supplie. Et c'est... c'est oui, à chaque fois en nous pointant. Des fois, il est puis des fois, il est oh, attendri, t'as envie de oh, câlin. Mais t'as envie d'être avec lui parce qu'il te pointe. Il pointe tout le monde dans la foule. Il a même pointé le balcon. Là, tout le monde a levé les bras en l'air. Je vois, il y a même eu un peu d'éclairage pour les voir. Mais sinon, dans sa théâtralité, il est quand même, quand je dis varié, quand il est violent, ah, il est violent. Et j'étais quasiment surprise que ça suscite pas autant de réactions. Quand il growl, qui n'est plus une surprise maintenant, durant les spectacles, ah, oui, il y a du cri. Il crie, on crie. Ah! Il crie, on crie tout le temps. Et, par contre, quand il se donne des claques d'en face, mais ça, moi, je suis comme, wow, il se donne des claques d'en face. Puis, pas tant de réactions. Ouais. Il se donne des coups. Il se donne des coups de poing dans le front. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est bien qu'il se donne avec sa main et non avec son micro, parce que pour tous les chanteurs hardcore qui saignent du front durant leur spectacle, j'ai précisément en tête le chanteur de Trap Dem, là, qui est comme commotion par-dessus commotion. Ok, le gars, il se démène aussi, là, mais reste que ça l'a affecté physiquement, ses performances aussi violentes. Alors, ouais, c'est bien que tu sois violent et que tu donnes tout un show, Sam, mais c'est bien aussi que tu utilises pas ton micro parce que ce serait vraiment plus maganant. Sinon, dans la délicatesse, il mime qu'une feuille vole au vent. Il mime aussi de lire un livre. Il cueille des choses. Mais oui, on n'est pas dans le pantomime, là. Tu sais, c'est plus intuitif. C'est plus... quand on dit théâtral, oui, parce qu'il n'y a pas le choix, là. On le voit, on le sent, le mime. Mais c'est tellement en nuance parce que c'est chorégraphié et ça va dans une fluidité où tous les mouvements s'enchaînent, pas de façon saccadée et pas comme un à la fois. Ça fait partie de sa danse. Et oui, il est dans la légèreté. Il ondule. Ah, le moment qu'il s'est vraiment mis à shaker des fesses. Ah, il y a eu du cri. Là-dessus aussi, les gens étaient satisfaits et en voulaient de plus. Mais il y a une façon de bouger qui est très primitive aussi. Ça me rappelait, je sais pas, King Kong. Puis le fait qu'il soit aussi en dualité entre ses différentes facettes scéniques, j'avais l'impression d'avoir affaire à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais avec... avec la barbe de Wolverine, parce que je l'ai pas encore dit, je pense. Mais ouais, d'habitude, ces photos, il y a pas de barbe. Boum! Il est poilu de la face, pas à peu près. J'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est bien lui. Mon Dieu, je savais pas ça. J'étais surprise de son poil. Pas surprise de ses cris, mais oui, de ses capacités en pilosité. Pourquoi pas? Et je vous en parle autant, parce que oui, ça omnubile. On va le voir. Pour ça, on va voir Future Islands pour sa performance. Fait que je reconnais que ça a un impact sur la foule de pas... ben oui, ça pourrait plus s'énerver, on pourrait s'exciter puis en donner plus. Je crois que musicalement aussi, il y a comme cette limite-là. Mais que, ouais, c'est quand même tranquille parce que les gens veulent le regarder. C'est comme ça, en partant le gros trip. Et sinon, l'énervement va se faire un peu par spot dans la foule. Rien de logique, j'allais dire. Parce que des fois, c'est comme dans le coin de la salle, en arrière. Au centre, c'était... Ça valait à pogner un peu, mes excuses, mais... Genre, j'étais même pas capable de me rendre jusque-là. Là. C'était bien coincé, puis les gens bougeaient pas. Mais ouais, plus une question de gagne. Si t'étais avec des camarades qui s'excitaient de la crowd, ben ça allait s'exciter, parce que sinon, ce sera pas le cas. Ouais, vraiment. Puis comme je t'avais dit, il y avait une gang bien festive, bien rock, c'est le bras en l'air, prêt à scander. Oh mon Dieu, il était beau à voir. Je l'ai trouvé assumé dans cette foule où justement, faut faire sa place. Peut-être qu'ils ont dérangé des gens autour d'eux, puis quoi. Si t'avais envie d'une soirée tranquille, fallait pas que tu sois à côté d'eux, certains, là. Il y avait chaud, il suait, il sautait, il dansait, bras dessous. Et il y en avait un, il criait à plusieurs reprises, That's my boy! Ah oui, lui, Future Islands, c'est son band. Et surtout Sam, c'est son boy. Mais avant qu'il se place dans la crowd puis qu'il vraiment prenne l'expansion, cette clique-là, et qu'elle puisse, oui, s'animer, s'exciter, il criait, là, vraiment Bieber mania, là. À chaque chanson, c'était ah! Puis ça criait des fois des moments où je comprenais pas la logique non plus, là. Faudrait me l'expliquer. Mais avant qu'ils réussissent à pouvoir être à l'aise et pouvoir vivre leur show comme ils le veulent, il y avait des filles de leur clique, parce que je les ai entendues. Ils ont essayé d'être en avant, puis il y en a une qui dit à ses autres camarades, « Hé! Il y a une fille qui nous aimait pas, elle était en train de les rabrouer, là. » Fait que oui, elles se sont déplacées. Et là-dessus, je trouve ça intéressant, parce qu'on a souvent la logique que les plus gros fans, les fans, vont être en avant, vont être parfois les plus énervés. Et cette fois-ci, ça n'avait pas raison. C'était pas l'énervement ou l'ampleur de ton excitation qui faisait en sorte que tu vas être plus proche de la scène. Vraiment pas. je trouve ça aussi intéressant parce que dans une foule, des fois, il y en a qui ont, dépendamment du genre musical, ils peuvent avoir une certaine logique, encore une fois. Tu sais, oui, show rock, show punk, show metal. Tu sais, dès qu'il y a un pit, ça centralise les choses. Tu sais où te placer en conséquence de, étant donné que ça fait partie de la tradition, rendu là. Mais tandis que là, c'est plus modulable et c'est plus remis en question, trouver sa place. Ça se peut que c'est juste parce que t'es arrivé plus tôt, puis que t'es plus en avant. Puis ça va être de même, ça va se passer dans ta soirée, même si l'autre voudrait être plus en avant. Même si ce serait logique aussi qu'elle soit plus en avant, parce qu'elle est énervée, expansion, c'est les bras qui prennent la place. Et moi-même, ça a eu... ça a affecté un peu ma façon d'apprécier le show parce que, oui, je dansais, mais j'avais l'impression que je pouvais pas prendre trop de place. Alors, c'est le moment aussi qu'il faut s'assumer sans trop briser la bulle des autres parce que, ouais, elle était quand même forte, la bulle de chaque personne. À moins que tu la partageais avec ton amoureux. Ah oui, ça s'aime encore durant Future Islands. Il y en avait, là. C'est drôle, tu sais, il y en avait, j'avais l'impression qu'ils checkaient autant... ils checkaient quasiment plus leur partenaire que le show. J'étais comme, ben vous êtes beau, puis vous regardez, vous aimez, vous êtes heureux de partager le moment, mais le show est en avant. Enfin, l'important, c'est... Mais après, l'important, c'est qu'il y a eu du plaisir. Ouais. Mais c'est vrai, au final, ça affecte personne, mais c'est pas une interaction de foule, tu sais, ça. Tu vois, ce qui est drôle, eux autres, la crowd s'en fout, là. Ils sont là tous les deux pour le groupe et ils le regardent quand ça leur adonne. Moi, j'avais plus l'impression qu'ils écoutaient le spectacle qu'ils le regardaient. C'est plus ça le point. C'est qu'elle. À quel point tu veux susciter le plus de sens possible quand tu vas checker un show ou pas. Sur ce, ben écoute, on en parle, j'arrête pas de les nommer, on va en écouter. Et j'ai beaucoup hésité parce que oui, leur album Singles, toutes les tunes sont bonnes, puis j'avais envie de le mettre, mais j'ai opté pour la nouveauté avec l'album de Farfield. On va écouter Cave. I don't believe anymore. I won't agree anymore. Culture Island sur les ondes de la marge avec la chanson Cave sur leur plus récent album et critique de Crowd toujours à leur spectacle. Et bien oui, je suis bien heureuse. Je l'ai réécouté et réécouté juste avant de m'en venir à la station. Et c'est drôle comment j'ai changé d'opinion sur... Avant, ça m'agaçait. J'adore les chants gutturaux et ça me titillait. Je me disais, pourquoi? C'est juste en spectacle. Mais ça, qu'ils devraient en mettre tout plein dans l'album. J'aimerais ça. Ça me ferait plaisir. Et ah, quel plaisir égoïste ce serait. Parce que j'ai réalisé au spectacle samedi dernier à quel point le growl avait, son importance sur l'appréciation du spectacle. Je vous le dis, ça crie. Puis c'est plus surprenant. On le sait qu'il va crier de façon spontanée. Et déjà, ça gâcherait beaucoup de choses, ça soit enregistré, parce que ça perdrait justement de ce moment. Peut-être que c'est calculé, mais la façon qu'il danse, qu'il bouge, ses allées et venues, qu'il se penche, qu'il se relève, qu'il fait des moves plus théâtraux, ben j'ai pas l'impression que c'est calculé à chaque fois. Ça me paraît bien inspiré. Oui, il le répète à chaque fois, même qu'à un moment donné dans le show, je me dis, ben coudonc, on va en revenir, tu sais. Pas que c'était répétitif, mais j'ai fait comme, ben voilà. Mais non, tu sais, je suis à peu près certaine, du moins, des deux fois que je l'ai vu, j'avais pas le sentiment que c'était tout placé, corps de tour, regarde, bang, bang, bang. Non. Et je crois que si c'était sur l'album, justement, ça enlèverait cette partie-là. Et aussi, ça suscitait comme en moi certaines questions, comme la distinction pour des musiciens, des artistes, la différence entre le spectacle et l'enregistrement entre l'album. Parce que oui, il y a des groupes qu'on peut vouloir voir pour la mise en scène. Je pense à Rob Zombie que j'avais vu à EV Montréal. J'avais, ah mon Dieu, là, les décors qui nous sortent. Tu sais, quand t'écoutes l'album, c'est pas là. C'est un plus quand tu vas le voir en spectacle. Je pensais aussi à des groupes comme... Ah! oui, les bands là, de métal avec des monstres puis des dinosaures comme Lordi Gore. Ou... Ça fait partie de la personnalité du groupe, c'est sur la pochette, on le voit, tu sais, ça fait partie du visuel, mais qu'en même temps, encore une fois, musicalement, ben ça fait pas la, ouais, ça se voit pas, ça s'entend pas, tu sais, on fait pas la distinction. Mais en spectacle, oui, ça donne un plus, t'as envie de les voir en personne, et c'est là que je trouve que c'est particulier, c'est que c'est un choix auditif qui pourrait être ajouté à l'album contrairement à des plus visuels, mais qu'on conserve pour les spectacles comme quelque chose d'inédit au show. Tu le sais que ça va se passer, et ça va se passer uniquement si tu le vois en personne. Et ça garde, c'est pour ça que ça garde cette fraîcheur-là et cette réception-là dans la foule. Oui, ça, c'est son plus dans son charisme. Parce que aussi, je l'ai peut-être pas assez mentionné, mais il entertain la crowd, mais de façon naturelle. Je crois que, tu sais, tu dis pas, oh, quel leader, mais oui, quand il saute, les gens sautent. Quand, oh mon Dieu, tu sais, au lieu de clapper des mains pour qu'on clappe dans nos mains, je pense pas que c'était l'intention première, mais il a tapé sur son chest. Il doit avoir des méchants bleus, mais il a tapé sur son chest. Puis le monde, ben, ils sont pas tapés sur leur chest, ils ont tapé dans leurs mains. Je trouve que, ouais, bonne façon d'interagir avec les gens. Oui, amener à de l'action, sans non plus donner des ordres ou se le dire si concrètement ou faire le mouvement si précisément. Non, c'est pas nécessaire et il en fait la preuve même. Sinon, oui, question danse au rappel, j'ai vu dans la crowd, tu sais, sur les côtés trop proches de l'ampli, là, c'est pas la place la plus appréciée. Et je trouvais que c'était aussi l'endroit où il y avait le plus de liberté de mouvement. Il y avait un danseur. Oh mon Dieu! Je sais pas s'il voulait le limiter ou voulait être en compétition avec le chanteur, mais oh, danse contemporaine qui prenait de l'espace, différentes hauteurs, vraiment une variété de mouvements rapides. C'était, il était aussi un spectacle à voir. Il se donnait pas en spectacle, mais il se donnait, ça c'est assez certain. Et sinon, deux choses qui m'ont peut-être attristée durant le rappel, là, ben écoute, il y avait deux filles là, qui avaient trouvé Jean-Michel. Là, Jean-Michel est dans la salle, là, ils ont trouvé Jean-Michel. Fait que là, à chaque fois qu'il y a comme une pause, là, il criait Jean-Michel! Mais il répondait jamais Jean-Michel. Là, ça gossait. Fait que je me dis, ben pourquoi ils sont pas patients? Je veux dire, cours-y après, à la fin du spectacle, dire des beaux bonjours, là, mais je veux dire, pendant tout ce temps-là, je suis sûre que tu sais, genre le band devait se dire à quelqu'un qui gueule quelque chose qu'on comprend pas. Mais non, ils gueulent à leurs amis. Là. Ah, chaque chose en son temps, crowd! Et sinon, tristesse. À la fin du rappel, le chanteur, vraiment, dans un moment émotif, accroupi, oh mon Dieu, il donnait vraiment l'impression qu'il allait pleurer, là, c'était assez véridique comme jeu. Puis, la crowd, là, sur le party, ils sont partis. Moi, je les prenais pour les plus grands fans. Et à un moment où il fallait avoir, oui, de l'attention, parce que c'était silencieux, tous les gens étaient à l'écoute, puis eux autres, ils ont sacré leur camp. J'étais triste. Je me suis dit peut-être que j'ai une mauvaise perception. Peut-être qu'ils étaient juste sur le party, puis qu'eux autres, leur parking, c'est plus important que le rappel. Puis, ils ont été bruyants en partant, puis j'ai trouvé ça désolant. Ah, je me disais, ah non, me semble que je croyais en vous autres, me semble que ça donnait... Oui, je vous trouvais libre, je vous trouvais beau, puis finalement, c'est quoi ton rapport avec l'artiste quand tu sacs ton camp de même? Je sais pas. Mais faut pas être trop triste quand même. Mais on va quand même leur dédier la chanson « Tu peux pas partir » de Xavier Caféine. Ben oui, sur l'album Caféine. Et ça pourrait quand même à propos, hein, c'est mal éduqué, mon amour. Sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Je vous reviens semaine après semaine et pour toute suggestion, allez sur le Facebook de Critique de Crowd. Je vous dis bye bye. Samedi le 14 octobre, dès 14h, les Carabins de l'Université de Montréal affrontent le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Paul Therrien, Philippe Asselin et Vincent Paquette s'installent sur les lignes de côté pour vous retransmettre en direct la guerre de tranchées que se livreront ces deux équipes. Le football des Carabins, c'est à CISM que ça se joue. Le samedi 14 octobre, dès 14h. Mec, ton son champion de la soie agriculture.